quand rien ne va plus, quand la terre n'est que chaos, quand les méchants ne pensent qu'à nous faire bobo. Possession de nos vies, quel est notre seul espoir de survie? Ce sont les mythomanes, man, héros grand cœur de la terre, ce sont les libérateurs, ce sont les mythomanes, man. Courage guerrier, toujours prêt pour nous à se sacrifier. Quand l'apocalypse règne sur notre monde, nous envoyons ces créatures immondes. Quand l'empereur du mal décide de tous nous tuer, qui alors pourra nous libérer? Ce sont les mythomanes, ce sont les mythomanes, man, amis de la justice, amis de la justice, conscients de devoir subir mille supplices. Ce sont les mythomanes, ce sont les mythomanes, man, chevaliers d'acier, tous unis par leur grand amitié, tous unis par leur grand amitié. Ce sont les mythomanes, ce sont les mythomanes, man, héros grand cœur de la terre, ce sont les libérateurs.